إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون لا نزال نتأمل في أوصاف المنافقين لنعرفها ونجتنبها Nous continuons à méditer sur les caractéristiques des hypocrites afin de les connaître et de les délaisser, de nous en éloigner. ومعنا الآن وصف من أقبح الأوصاف. Et nous allons voir maintenant une caractéristique qui fait partie des plus moches. ألا وهو الغدر. Et certes, c'est le non-respect des engagements. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il prend un engagement, alors il ne le remplit pas, il ne le respecte pas. فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمِينَ أَنَّ النَّبِيَّ sallallahu alayhi wa sallam قال لِكُلِّ غَادِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءٌ يقال له هذه غدرة فلان. Dans le recueil de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui ne respecte pas ses engagements aura un étendard au jour du jugement. Et il sera dit, ceci est le non-respect des engagements de un tel. فهذه العلامة وهذا الوصف بارزان له يوم القيامة أمام الخلائق عقوبة على فعله. Ce signe apparent ainsi que cette caractéristique seront apparents aux yeux de tous, de toutes les créatures au jour du jugement, comme châtiment à cause de son acte. وهذا من الأدلة على أن الغدر من الكبائر. Et cela fait partie des preuves montrant que le non-respect des engagements fait partie des grands péchés. أيها المسلمون أمركم ربكم بالوفاء بالعهد. Ô musulmans, votre Seigneur vous a ordonné de respecter vos engagements. Il a dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, awfu bil'ukud. » Il a dit, « Ô vous qui avez cru, respectez vos engagements. »« Wa hadha yashmalu al'ahd alladhi baynana wa bayna rabbina. » Et cela comprend les engagements que nous avons entre nous et notre Seigneur. « Fil qiyami bil'wajibat, wajtina bil'muharramat. » Dans le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. وَهَذَا يَشْمَلُ أَيْضًا أَنْوَاعِ التَّعَامُلَاتِ فِي مَا بَيْنَنَا. minat tijarati wa ghayriha. Cela englobe aussi les différents échanges que nous avons entre nous, comme le commerce ou autre. Wa hadha yashmalu aidan al-uhud ma ghayri al-muslimin. Cela englobe aussi les engagements avec les non-musulmans. Wa yatabayyanu min dhalik أن داعش وغيرهم من الإرهابيين أهل غدر لا يوفون بالعهود. Et il apparaît clairement ici que Daesh et les autres terroristes ne respectent pas leurs engagements. Ils ne respectent pas leurs engagements. Ce sont des gens qui ne respectent pas leurs engagements. فَإِنَّ هَذِهِ التَّأْشِيرَ أَوَ الْجِنْسِيَّةَ الَّتِي تَحَصَّلْتَ عَلَيْهَا تُلْزِمُكَ بِعَدَمِ التَّعَدِّي عَلَى الْغَيْرِ. Car ce visa ou cette nationalité que tu as obtenue t'impose de ne faire injustice à quiconque. ثُمَّ يَأْتِي هَؤُلَاءِ فَيُفَجِّرُونَ وَيُقَتِّلُونَ. Et ensuite ces gens viennent, ils font exploser et ils tuent. وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ. Et ensuite, ils vont prétendre que ce sont eux les plus fermes dans la pratique de l'islam. Mais annahum mawsufun min wasf bi wasfin qabih bi wasfin min awsaf al munafiqin al barizin ou al bariza. Et alors qu'ils sont caractérisés, ils ont en eux une caractéristique qui fait partie des plus moches, une caractéristique qui fait partie des plus apparentes. Des caractères les plus apparents des munafiqines, des hypocrites. Et tout cela par leur ignorance. Car ils ne connaissent pas leur législation. Wa ulfitu intibahakum ila ma qad yaqa'u fihi al-kathiru minan nas fayata'ahaduna fima baynahum halifina bidhalik. Et j'attire votre attention sur ce que peuvent faire beaucoup de personnes lorsqu'ils vont prendre des engagements entre eux, en jurant par Allah. ثُمَّ يَغْدَرُ أَحَدُهُمْ. Puis l'un d'entre eux ne va pas respecter son engagement. أخرج البخاري في صحيحه أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. البخاري a cité dans son recueil authentique, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois personnes, je suis leur adversaire au jour du jugement. قالت العلماء من خصمه الله غلبه. Celui dont Allah est son adversaire, alors Allah il va le vaincre inévitablement. فثلاثة, trois personnes dont Allah est leur adversaire au jour du jugement. رجل أعطى بي ثم غدر. Un homme qui a pris un engagement en jurant par moi, puis ne l'a pas respecté. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. Et un homme qui a vendu quelqu'un de libre et qui en a profité, qui a profité des bénéfices de cette vente. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أُجْرَتَهُ. Et un homme qui embauche un employé et qui profite de ses services sans lui donner son salaire. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ قَالَتِ الْعُلَمَا إن الله تبارك وتعالى خصم جميع الظالمين يوم القيامة لكنه ذكر هؤلاء الثلاث تنفيرا من هذه الأفعال. Ô musulmans, les savants disent que Allah tabaraka wa ta'ala est l'adversaire de tous les injustes au jour du jugement, mais qu'il a cité ces trois-là afin de nous mettre en garde contre ces actes à cause du grand danger qu'ils peuvent causer dans la communauté. Alayna an najtaniba hadhihi al-af'al. Nous devons donc délaisser ces actes. Wa la yanbaghi lana an nuzlima anfusana. Et il n'est pas convenable que nous fassions injustice à nous-mêmes. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد والوصف الأخير الذي معنا في هذا الحديث هو الفجور في الخصومة. Le dernier caractère, la dernière caractéristique que nous allons voir dans ce hadith est le fait de dépasser les limites durant les conflits. Et en réalité, c'est le fait de pencher vers le faux. Fatajidur rajul baynahu wa bayna akhihi khusuma fayadhhabu yakdhibu alayhi wa yughayyiru haqiqat al-amr liyadhhara ka'annahu huwa al-muhiq. Et donc, tu vois un individu qui a un conflit avec son frère en islam. Il va donc aller mentir sur lui, changer la réalité de ce qui s'est passé, afin d'être vu comme étant celui qui a raison. وَالسَّبَبْ الْكِبْرُ الْكِبْرُ الَّذِي فِي نَفْسِهِ الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنَ الْإِعْتِرَافِ بِأَنَّهُ عَلَى خَطَأ. La cause de cela est l'orgueil qu'il y a en lui, dans son cœur, qui l'empêche d'admettre qu'il a tort et que son frère a raison. Ya akhi, ma alladhi yamna'uka min an taqula akhta'tu wa asabta. Oh mon frère, qu'est-ce qui t'empêche de dire je me suis trompé, j'ai eu tort et tu as eu raison? Qu'est-ce qui t'empêche de dire ça? Akhraj Abu Daoud fi Sunani an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يدع حتى ينزع عنه ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. Abu Daoud a cité dans son recueil Sunan, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque débat dans le faux alors qu'il le sait, il sait pertinemment qu'il a tort, mais il ne veut pas l'admettre. Quiconque débat dans le faux alors qu'il a tort ne cesse d'être dans la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il délaisse ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et quiconque dit de son frère ce qui est faux le concernant, alors Allah le placera dans la boue de l'humiliation, dans la boue de l'humiliation, jusqu'à ce qu'il se repente. Wa radratul khabal mujtama'u sadidi ahli an-nar. Et la boue de l'humiliation, c'est l'endroit dans lequel se rassemble le pu des gens de l'enfer. وانظر الى هؤلاء الذين يفجرون في الخصومه يجادلون في الباطل ليظهروا للناس انهم على الحق ثم يحمله جداله هذا في الباطل الى الكذب على اخيه. فانظروا الى هذه العقوبه الشديده. Regardez donc cela. Regardez donc ces gens qui vont dépasser les limites dans les conflits et qui vont débattre dans le faux. Et leur débat dans le faux va les amener à mentir sur leurs frères. Regardez donc cette punition terrible. Nas'alullah as-salama. Nous demandons à Allah qu'il nous en préserve. Ayyuhal muslimoun. هذه الأوصاف التي رأيناها من أبرز أوصاف المنافقين. وللأسف الشديد الناظر في حال المسلمين يجد بعضها أو كثيرا منها منتشرة فيما بيننا. Oh mes frères, ces caractéristiques que nous avons vues sont les caractères les plus apparents des hypocrites. Et malheureusement, quiconque médite sur la situation des musulmans verra que beaucoup de ces caractères sont présents et sont propagés parmi la communauté. فَعَلِينَا أَن نُرَاجِعَ أَنفُسَنَا. Nous devons donc nous remettre en cause. وَنَجْتَنِبَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ القبيحة et délaisser ces caractéristiques si moches. وعلينا أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. Et nous devons suivre la voie du prophète, nous comporter comme lui, celui dont Allah a dit le concernant وإنك لعلى خلق عظيم. Tu es certes d'une moralité grandiose. أيها المسلمون وأنتهز الفرصة لأخبركم بأننا إن شاء الله تعالى سنبدأ في هذا المسجد بتدريس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لندرس من سيرته ونتأسى به وَنَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِهِ. Ô musulmans, j'en profite pour vous informer que nous allons très prochainement dans cette mosquée commencer des cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de méditer sur la vie de celui-ci et de prendre exemple sur lui, sur son comportement وَكَذَلِكَ مَنْهَجِ, ainsi que sur sa voix وَعَقِيدَتِهِ, et sa croyance وَإِنَّهَا مِنَ الْمُهِمَّاتِ. Cela fait partie des sujets importants. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. Nous demandons à Allah تبارك وتعالى de nous enseigner ce qui nous est profitable. وأن يطهر قلوبنا من جميع المعاصي, de purifier nos cœurs de tous les péchés. وأن يشفي مرضانا, et de guérir les malades parmi nous. إنه على كل شيء قدير. Il est certes capable de toutes choses. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقيموا الصلاة.